Texte sans queue ni tête. Laurence Triboulin. La question, c'est... Bon alors, la question c'est, à partir de quand on se laisse aller? Car forcément, on se laisse aller un jour. Et c'est quand ce jour? Peut-il être trouvé, défini précisément? Comment passer de l'état de jeune fille, plutôt charmante, à la chair fraîche et aux lèvres enjôleuses, à celui de mémère, ventrue, poilue, revêche et râleuse? Si, si, j'insiste, c'est bien ainsi. Regardez autour de vous. Celle-ci, sa marmaille accrochée à ses cuisses celluliteuses, à son énorme cul moulé dans un legging pour minette. Je vous l'assure, elle a dû éveiller le désir d'un homme. Elle a dû être baisable, voire jolie autrefois. Autrefois, mais quand? Quand exactement? Dans le temps des histoires, des contes, des « il était une fois » Et celle-là, maigre, sèche, rugueuse, à la peau écailleuse, les mains calleuses et la voix railleuse, a bien été, dans un autre temps, charmante. Elle a eu des rondeurs sympathiques, une peau de velours, des mains de douceur baladeuse et d'une voix d'amoureuse. Alors, c'est quand que ça bascule, que ça s'en va, le respect de soi-même? C'est quand qu'on renonce, qu'en étant consciente du temps, on se retranche du camp des vivants? Ça m'inquiète, ça me stresse. Je me scrute, je m'ausculte et, malgré ma peau qui pend, malgré la gravité du temps, la gravité qui m'aspire vers le bas, mes seins qui s'étirent, mes fesses qui s'amollissent, mon ventre qui pend, pend, mon visage qui se détend, le flou qui s'installe dans ma silhouette, mon corps qui m'échappe, je ne me laisse pas aller. Je dis non. J'abdominoïse, je me muscle, je me sculpte, je refuse. Il ne s'agit pas de maquillage, de camouflage, de cacher mon âge. Il s'agit de rire, de sourire, de corps qui s'électrise. Il s'agit de dire oui à la vie. Il s'agit de ne pas se laisser aller. Attention, l'alerte est donnée. Suce à la tristesse, loin le stress et bonjour les caresses et la liesse. Capis capitis. Capis capitis, c'est moi la chef. L'autre jour, une interpellation alors que je n'arrivais pas à enfiler un casque pour faire du vélo. Mais t'as la grosse tête, Laurence. La grosse tête, moi? Mais elle est plutôt petite, ma tête. Bien rangée, mais petite. Et sa taille n'impressionnera aucune foule. Une vraie tête à chapeau. Et j'ose espérer une tête bien faite et bien pleine. C'était au sens figuré? Mais de quoi parle-t-on ici? De la figure ou de la tête? Mais vous êtes une vraie tête à claque. À claque pour le chapeau ou à claque pour les baffes? À claque, ça me défoulera. Tout ceci me donne mal à la tête et me renvoie à des notions de serre-tête et de casse-tête douloureusement moyenâgeuses. Oui, moyenâgeuses, pas fashion addict ou machiavélisme oriental. Mais vous êtes une vraie tête de l'art. Une vraie tête de cochon de ne vouloir comprendre ce dont je vous parle. Moi, j'ai la tête dans les nuages. Je rêve que j'échappe à toutes ces prises de têtes ambiantes, car on y va tout droit, je vous le dis, tout droit. Où? Mais la tête dans le mur, c'est évident. Bon, évidemment, il y a la tête de nœud. Alors là, il s'agit de savoir de quel nœud il s'agit. Si c'est une corde à nœud, nous parlerons alors du premier nœud, celui de la tête de cordée. S'il ne s'agit pas d'une corde à nœud, cela nous renvoie à de douces caresses, à des délices plus ou moins interdits de toucher, de baisers salés, sucrés, doux, amers, à de la peau glissant comme un fourreau, dedans, dehors, plénitude, ou à une insulte suprême. « Maman, il m'a dit que j'étais une tête de nœud !» Et alors, au moins, tu as la tête de quelque chose. Car c'est de cela dont il s'agit en fait, être à la tête de... une entreprise, une équipe, une société, un projet, de sa vie, de son être. Je vous passe le tête-tard tétard et le tétracoque capillotracté. Voilà. Tête, tête, tais-toi, tais-toi, tu es toi, bien dans ta tête. Le 2 novembre. J'aime les cimetières, vraiment. Ils sont riants, charmants, reposants. Lieu de paix, de calme et de sérénité. Peut-être parce qu'il n'y a plus personne. Je franchis la grille et, hop, ça me saute au cœur les couleurs. Dominante de jaune qui capte la lumière et éclaire tout le reste. Le blanc lui répond, charmeur, si totalement menteur qu'il transforme le mauve en rieur. Parfois, une touche d'orange qui devient douceur. Et toute cette légèreté, ce velouté par-dessus la matité de la pierre, entité, rocher. La luisance du marbre, la rugosité du ciment, la solidité du tout. Entretenue, cette impression de me poser, enfin, par les gris, les clairs ou les foncés, presque les noirs parfois, mise en relief par la terre, toujours elle. On y va, on en vient, on y revient. Terre entretenue, ratissée, japonisée, presque comme dans ces mondes minuscules où un miroir figure l'eau. Terre bienfaisante ici, rassurante. Les allées dégagées, alignées. Oh, comme ça fait du bien. Un monde en ordre, tout est à sa place, surtout la vie. Par toute cette mort organisée, rangée, si bien classée qu'elle en perd son obscurité. Le savoir permet de jouir d'ici-bas. Ce n'est donc que ça, ne plus être là. Reposer au calme sous les couleurs, la lumière et la pierre, entourée de terre. Mais j'y cours, j'y vole, je m'y précipite. Parenthèse d'au-delà bien accrocheuse pour moi, presque putassière qui me ferait de l'œil. Non, je n'ai pas peur. Il n'y a même plus de souffrance, de pleurs, de douleurs. Juste cet endroit planifié qui me permet d'exister. Là, calme. Je m'assieds sur une tombe, profonde et longue. Je n'y lis rien, car le temps a tout effacé. Il a laissé sa trace, c'est-à-dire aucune. Juste, je suis le plus fort, tout coule et s'efface, doucement. Laissez faire, laissez passer l'éphémère. L'éphémère. Mais la grande de mère, pas la grand-mère, la terre. Que ça me repose de le sentir, de me ressentir dans le grand tout, comme un passage, une petite poussière, un être simple vecteur, conducteur de sa vie et de bien d'autres choses qu'il ignore. Juste en être conscient. Sous le être, c'est plus facile. Ce sont les êtres qui sont difficiles. Je me sens bien et je me sens moi. Et moi, et bien, ça c'est une nouveauté. Due sans doute à la clarté de ce lieu. De ce cimetière. Moi, j'aime les cimetières. Ce jour-là, moi, j'aime les cimetières car toute cette beauté me permet de m'aimer, moi. Un grand coup de balai sur les coucous. Tout doit disparaître et tous les coups sont permis. Il s'agit ici de pousser un grand coup de gueule sur le râle et pâquerette. Haro à la médiocrité et mort peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Des pieds à la tête, tout notre corps le proclame. C'est à fond les manettes ou rien. Vivre pour ne pas survivre. Donnons donc un grand coup de chapeau à tous les jusqu'aux boutistes qui nous montrent le chemin. C'est vrai, souvent ils agissent sur un coup de tête, voire même au coup par coup. Mais les résultats sont là. De Mike Horn à l'abbé Pierre, en passant par Mère Teresa ou Gandhi, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont là, non? Du chef, passons aux yeux et lançons un coup d'œil autour de nous. Pas d'Einstein ou de star, mais souvent de petites gens modestes, ce qui ne veut pas dire idiotes, qui vont leur bonhomme de chemin, mais qui font avancer le schmilblick, même si c'est par à-coup. Ce sont ces mêmes gens qui savourent aussi l'existence dans ce qu'elle a de banal et de quotidien, mais de bon, car de répétitif et de sécurisant à petits coups de langue gourmand. Ils nous apprennent d'arrêter de chercher le bonheur à tous les coups, mais plutôt d'apprécier une somme de petits bonheurs au jour le jour. De la tête, dirigeons-nous vers le cou. Mais le coup de cou m'est inconnu. Un coup de cou? Un coup à coup? Un coucou. Laissons là les onomatopées et poursuivons notre balade corporelle le long du torse, du ventre, des épaules, puis des mains. Ah, les mains. Un coup de main et tout va bien. Merci, mon voisin. Mais des coups de main, petits et câlins, et tout va mieux. Merci, mon amoureux. Tous les coups de pouce sont les bienvenus, et ce ne sont pas les banques qui nous diront le contraire. Ça peut changer un destin, un coup de pouce. Tiens, me demandai-je avec surprise, il date de quand, mon dernier coup de pouce? Je ne sais. Peut-être du sourire ce matin à la boulangère? C'est dur de quantifier tous ces coups. On s'y perd à tout coup. Contournons le thorax, et derrière cet axe, les reins. Waouh! Quel coup de rein! Que ce soit pour travailler la terre ou plagier Gainsbourg, le coup de rein nous remue quelque chose dans le ventre, ce qui est un comble, car un coup au ventre, c'est souffrance. Tandis que l'effet coup de rein, c'est plaisance. Plus bas, c'est rigolard. Le coup de cul. Propre pour fermer la porte lorsque nos mains sont chargées. Figurez quand c'est le jackpot de la chance. Y a pas à dire, le coup de cul, c'est rigolard. Et l'adorable dans tout ça, c'est qu'un coup de cul, en partageant, ça peut se transformer en coup de pouce. Le coup de cuisse, le coup de genou et le coup de mollet me laissent froide. Mais le coup de talon, alors là, oui, parlons-en. Car il ne peut être d'Achille, celui-là, qui nous aide à remonter la pente, quand, arrivés par mégarde dans des abysses insondables, nous touchons le fond et qu'il nous permet de remonter la pente. Oui, oui, à grands coups de rein, si vous voulez. Souvent, il nous faudrait bien un petit coup de pouce pour pouvoir donner ce coup de talon salvateur. Tandis que nous ne recevons le plus souvent que des coups de pied. Même pas footballistique, ce qui aurait arrangé notre histoire de jackpot tout de même. Alors, ça vous a plu les coucous? Je vous épargne les choux, hiboux, genoux, cailloux et autres bijoux. C'est du coups humain, pour vous. À tous les coups, on gagne de lire des âneries au moins un sourire. Ce sera mon coup de pouce du jour. Et c'est pas un coup dur, je vous jure. À la prochaine, cher lecteur, pour boire un coup. Un seul. Mais un bon coup. Allez tous vous faire foutre. Vous vous rendez compte? Elle couche avec le premier venu. Quelle salope! Mais que voulez-vous donc qu'elle fasse d'autre? C'est difficile de coucher avec le dernier venu. On n'est même pas sûr qu'il soit arrivé, celui-là. Et il faudrait peut-être coucher avec, si on arrive à l'attraper au vol. Et c'est bien justement parce qu'il est le premier venu qu'elle couche avec. Vous voilà prévenu. Il est arrivé en premier, et elle, pardon, ils en ont profité. Il a doublé le deuxième venu, le troisième venu, et tutti quanti. C'est le premier venu, et elle a couché. Fauté, dites-vous? Mais non, primé, c'est tout. Quelle affaire! Évidemment, c'est le premier venu à elle, pas à vous. Sinon, elle n'aurait pu coucher avec. Ce serait donc la jalousie qui guiderait vos réflexions? Ah, non, je n'ose y croire. Vous avez bien dû avoir un premier venu, vous aussi. Non, ce n'était pas un prévenu, bien qu'il ait été dûment prévenu. Non, juste un premier venu. Premier venu, bon à prendre de toutes les façons. Non, je ne parle pas du Kama Sutra, juste du hasard. Du hasard ou de la bagarre. Il s'est acharné pour être le premier, qu'est-ce que vous croyez? Il a battu en brèche le deuxième venu. Il a laissé sur place le troisième venu. A séché le quatrième venu. Quant aux autres, ils ne l'ont même pas vu passer, ce premier venu prévenu. Car il était prévenu, vous pouvez m'en croire. Il le savait bien que s'il ne sprintait pas, il n'aurait rien, rien que la seconde place, la troisième, ou même pas de podium, rien. C'était donc lui, le premier venu. Il l'a bien gagné, sa place. Oui, c'était lui, le prévenu. Car il était venu avant, avant les autres, les éternels seconds, troisième ou même pas classés. Ainsi c'était un fait, mathématiquement prouvé. Il était le premier et il était venu. Il était donc le premier venu. C'est QFD, quoi. Qu'arrive-t-il à mes oreilles attentives? Que ce premier venu, l'on ne sait pas d'où il vient? Et alors? Pas besoin de savoir sa provenance, puisqu'on sait son arrivance, et surtout sa place, la première. Seriez-vous donc tous derrière? Et vous, vous ne profitez pas de choses dont vous ne connaissez pas la provenance? Vos primeurs, vos rumeurs, vos bonnes humeurs? Mais d'où viennent-ils tous ces leurs ? Donc, et faites-moi confiance, c'est un fait avéré, elle couche avec le premier venu. Et que les autres venus, tous les autres, il y en a une foultitude, aillent donc se faire foutre par quelqu'un d'autre, pour qui ils seront, évidemment, les premiers venus, car alors ils seront prévenus. Que voulez-vous ? On ne se fait avoir qu'une fois. La première fois venue. Je vous adjure de suivre mon premier conseil et d'aller voir, vite, vite, où pourrait se cacher votre premier venu. Vous voilà prévenu. Je perds mes vers. Merci à mon chéri d'amour. Je perds mes vers et je ne peux plus écrire. Où est ma paire de vers ? Je ne peux plus écrire. Et ma paire de vers que je m'abreuve, mais je perds ses vers. Bien que je perde mes vers, et en plus mes vers, ma plus belle paire, je perds ses vers. Bien sûr, j'avais un père sévère, mais je le perds. Ouf. Je pourrais aussi faire des paires de vers sur les vers à demi-vides ou à demi-pleins, sur les vers, par paire, dans un beau camailleux de nuances non délétères, mais je préfère me taire. Sinon, je vais à la terre, et là, attention, arrivent, ventre par terre, les vers de terre et leurs galeries, les vers des enfants et leurs chamailleries, et ici, je l'avoue, je m'y perds. Il me faut recourir au flux vert mâle, à l'effaceur ou à la gomme pour retrouver la paix, et nous sommes alors si loin de l'éther. Et me taire devient, de fait, si incontournable que je me taire pour ne pas plus longtemps vous distraire de vos terres à terres affaires. Devant l'effroyable éventualité de devoir me taire, je mets mes vers en perse, et les vrais perses en vers. Mais que je me taire, ou qu'il me faille me taire, comme il m'en coûte. Déjà que je ne peux plus écrire, s'il me faut en plus ne plus parler, ça ne vaut plus la peine. La peine d'être ici-bas sur la terre, non ? Et c'est ici, je le confesse, mes chers confrères, qu'il me faut remercier les vermifuges en tout genre qui font disparaître tous les vers. Les mauvais du papier, j'efface tout. Les petits du ventre des enfants, plus de gratouilles. Les pères de mon nez, en plus, ils sont verts, berk. Mais vermifuge m'amène à refuge, à mi-refuge, à mon mi-refuge vert, à ma fugue dans le vert de mon refuge, où je me taire et apprends à me taire, mais sans me perdre. Bonne année et bonne créativité. Histoire de sac. Les mots sont les plus forts. Et quand une histoire est dans ma tête, il faut qu'elle sorte ou je deviens folle. Donc, je sors les mots de moi pour enfin pouvoir me poser. Tout a commencé par une histoire de sac. Un sac à dos qui se transforme en sac à dos. Et c'est parti. La course infernale a commencé. Je me lance. Ce sac à dos, donc, plein de petits secrets, se mue en sac à dos, c'est-à-dire presque en sac de nœuds. Car si les ados considèrent souvent les adultes comme des sacs à merde, excusez-les du peu, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils sont. Des adultes en devenir. Un peu de respect, s'il vous plaît. Et moi, les sacs en tout genre, il me plaît. Les sacs à viande, pour camper et partir à l'aventure, les sacs à pain, pleins de délices, les sacs à malice et leurs surprises, les sacs à course et plus encore, les courses en sac. Les sacs à main me parlent bien, avec leur parfum, leur douceur et la silhouette qui leur est attachée. Là, je prends mon rythme de croisière. Il y a aussi les sacs à sapin, quand on est malin, et le fin du fin, les sacs à sac, pour tout classer, conception, poupée russe du rangement. Car on peut tout mettre en sac, en sachet, comme c'est beau. En sachet, en sachet, en sa chair. Allez-y, ne vous privez pas, mettez tout en sac ou en sachet, mais rien à sac. Pas de mise à sac, non. Dévastation des petits bonheurs. Écrasement des sentiments, anéantissement de la sensibilité. Elle nous amène à la guerre, au pillage. Que du matériel, me répondrez-vous. Oui, mais après, il y a le saccage des cœurs. Et celui-là, il est âgé comme sac. Saccagé, saccagé. Et c'est là où nous revenons aux ados qui oublient souvent de mettre en avant leur sensibilité et nous saccagent allègrement. nous, les parents. Des rouleaux compresseurs sur nos cœurs. Par saccade, saccadé, aléa jacta est. Ici, je commence à décompresser, doucement. La sensation s'accroît. Sac, croix. Il croit en quoi, le sac? Ou alors, est-ce un sac-croix qui nous transformerait en malheureux toute notre vie? Je préfère, sacrilège, un sac plein d'artifices. On pourrait dire un sac rifice qui nous ferait rire aux larmes. Car ma vocation n'est pas de pleurer. Oh non, non. Non plus que je n'ai la fibre religieuse, et si vraiment mon sac allait à Rome, se métamorphosant ainsi en sacrum, alors je déposerais les armes, sacre bleu, et j'irais me faire en sachet ailleurs. Et là, enfin, le sac hoche. Il opine du bonnet. Non, non, non, point. Je ne délirerai sur ce verbe, ni sur le haut, ni sur le pin, et me laisse aller, enfin, me poser. Merci pour la gymnastique neuronale, et pour le sourire, et pour le lire.